Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec Rémi. Salut Rémi, comment ça va? Écoute, en forme, fatigué de mon week-end, mais focus, tout va bien. Focus sur les playoffs surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Focus sur le basket, sur la NBA bien sûr. Avant de commencer par l'Ouest, on va d'abord évidemment faire un petit tour du côté de la conférence. C'est passé quelque chose la semaine dernière. C'est passé effectivement avec un dimanche soir de double Game 7. Donc on va parler un peu de tout ça. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et donc, nous étions quittés vendredi, enfin un samedi pour ceux qui ont vu l'épisode qui est sorti dans la nuit de vendredi à samedi, sur Boston qui s'était imposé à Cleveland, donc qualifié en finale de conf. En face, nous étions sur un 2 partout entre les Knicks et Indiana, il me semble. Je crois qu'il y avait 3-2 lorsqu'on a tourné l'épisode. Il y avait déjà 3-2 ? Il me semble qu'il y avait 3-2 New York. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu pensais que New York allait finir ça au Game 6 à Indiana ? Et bah non, le match était dans la nuit de vendredi à samedi. En Game 7, au final, c'est Indiana qui a terminé ça en 7. Effectivement. Du coup, le match 6, branlé de la part des Pacers envers les Knicks. Donc ils ont bien utilisé le fait de jouer à domicile et ils ont complètement... Match 6, là, tu parles ? Bah ouais. Ouais. Du coup, catastrophe côté Knicks avec un Josh Hart qui n'a pas fini la rencontre à cause de ses abdominaux, avec seulement 5 points, qui n'a pas assez pesé, évidemment. Brunson a tenu son rang avec 31 points. Mais on a vu des Knicks affaiblis. Et Indiana qui a su profiter. Malheureusement, les Knicks qui étaient sur 12 matchs de playoff déjà, ce qui est beaucoup arrivé au deuxième tour. Oui. Et puis pour certains, avec des moyennes de temps de jeu plutôt élevées. Absolument ahurissantes. Ouais. Et je pense que ça se ressent en fait là, arrivé à ce stade. On a un Josh Hart du coup qui a les abdos, qui commence à tirer, qui joue 30 minutes et malheureusement qui n'est pas impactant parce qu'on a vu que voilà, il n'était pas en forme. Isaiah Hartenstein, on l'a connu dans des jours meilleurs également. Oui. Brunson, lui, toujours égal à lui-même dans ce Game 6. On va en parler après pour le Game 7 parce que lui aussi, petit pépin physique. Mais du coup, déjà dès le Game 6, on sent que les Knicks, aussi beaux les athlètes sont-ils, un petit peu compliqué quand même physiquement de tenir la rencontre à Indiana. Ouais, et puis typiquement, Josh Hart, ses abdominaux, c'est une blessure de fatigue. Hein. C'est pas, c'est pas forcément un coup ou quoi, ou en tout cas, c'est vraiment l'organisme qui subit tout ça, quoi. Ouais. Donc, dommage pour les Knicks qui perdent du coup le Game 6 à Indiana, mais ils avaient du coup dimanche soir l'occasion de remporter un match 7 à domicile au Madison Square Garden, pardon, avec une salle pleine à craquer, une ambiance de folie, et surtout... Le momentum est quand même côté Indiana, vu que t'as mis une branle au dernier match, oui. Mais en soi, côté New York, t'es globalement confiant. Normalement pour tes joueurs tu te dis qu'un peu de repos depuis le dernier match ça peut suffire, tu joues à domicile, tu vois pas ce qui peut t'arrêter. Et ben c'est exact, il y a des choses qui peuvent les arrêter. C'est l'adresse au shoot de Indiana sur ce premier quart qui tourne à la mi-temps, ils sont à 78% au tir. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc ils commencent le premier quart en encaissant, du coup New York a encaissé 39 points au premier quart-temps, 39-27, avec un Siakam qui met en orbite directement Indiana, qui a effectivement fait un très très gros match, surtout d'entrée. Haliburton a fait son match évidemment. On a Naismith qui s'est dit qu'il ne voulait pas louper de shoot aujourd'hui. Le gars fait 8 sur 8, il finit à 19 points. Et en fait, on a eu un New York qui a couru après le score tout le match. Et qui, à part des petits runs pour se rapprocher, n'a jamais réussi à reprendre un avantage conséquent et qui leur permettrait de s'imposer. Victoire au final d'Indiana dans un match magnifiquement géré de la part des Pacers, 130-109. Ouais. Moi, j'ai été impressionné de l'efficacité de l'attaque. Bah après, effectivement, c'est les tirs qui sont tous rentrés, hein. Mais c'était magnifique à voir. Et en plus de ça, de l'autre côté, les Knicks, ont complètement, je vais pas dire déjoué parce que ce serait un peu dur, mais seul DiVincenzo a brillé avec 39 points. Il a pris un coup de chaud pendant tout le match, il a été impressionnant. Mais Brunson, au bout de 29 minutes de temps de jeu, s'est fracturé la main en voulant défendre une contre-attaque sur Haliburton. En lui tapant la cuisse, ça lui a fracturé la main. Donc soit il avait déjà un petit truc, mais ça me paraît. L'image me est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'impression qu'un geste aussi anodin, entre guillemets, pourrait lui briser la main. En tout cas, il n'a Ouais, pas c'est fini la vrai. rencontre. Donc en fait, on a vu une bonne partie du quatrième quart qu'une fois qu'on avait l'annonce de sa fracture à la main, que bah, c'était déjà fini pour New York, quoi. Bah ouais, on a Brunson du coup main fracturée, donc déjà à ce moment-là c'est très compliqué, mais déjà dès l'entame du match, on a Anunoby qui rentre en jeu pour à peine 5 minutes. Il prend deux shoots, il met les deux. Il met deux shoots, mais dans l'impact physique, on sent bien Ah que bah oui. tout le monde court plus vite que lui, quoi. Et ça, c'est Ah pas bah non, normal. mais bon, le voir à moitié boité sur le terrain. Ouais, c'est ça. Il revient sur le game set un peu précipité vis-à-vis de ses pépins physiques. Et en fait, il n'était pas du tout prêt à revenir, ça s'est senti. Josh Hart, c'est un petit peu similaire. Il a tenté de donner tout ce qu'il pouvait. Mais on voyait qu'il n'était pas non plus à l'aise. Il y avait vraiment il y avait vraiment voilà, une incapacité physique à être dans la rencontre à 100% côté New York. Et Ah bah Indiana c'est en a clair. profité. En plus de ça, l'adresse au shoot fait que New York Bah, pouvait rien faire. y a pas eu de match. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, malheureusement. Du coup, on passe tout de suite à la preview des finales de conf à l'Est. Ouais, on peut enchaîner direct. Avant, Bah oui, j'enchaîne hein. juste sur New York, du coup, c'est un peu dommage qu'ils butent Ah oui, vas-y si tu veux. New York, du coup, qui finit sa saison un peu de manière un peu dommage, un peu avec un petit goût amer de bah ouais, on a perdu parce que tous nos joueurs sont blessés, quoi. Mais en même temps, le style jeu fait que c'est compliqué. On fera une émission, je pense, un peu plus tard. Ce serait chouette d'en parler avec Vincent. J'aimerais bien Ouais. reconnaître son avis un peu. Est-ce que la saison est réussie ou pas côté New York? Ouais, ce sera fait. Moi, pour moi, elle n'est pas réussie, mais il y a un petit goût amer quand même de ah, ça fait chier. Bah, c'est amer, le goût est amer parce que tu es à la maison sur un game set et que tu n'es pas capable de te défendre. Parce que le passif de tes matchs en playoff fait que en fait, tu n'as plus personne. Et c'est Ouais, ça qui c'est est ça. dommage. Parce que perdre en Game 7, mais t'as réussi à te battre et l'effectif était plus ou moins complet ou quoi, ça aurait été différent. Parce que ça Et ils arrive de auraient pu perdre un gagner Game en 7. 6, tu vois, sur le papier. Oui, d'accord. Mais imagine, tu vas en 7, mais de l'effectif est complet, tu te bats, tu perds 2-3 points, bah, c'est le Ouais. jeu, tu vois. Là, le goût est moins amer que. En fait, t'as même pas eu les armes pour te défendre, quoi. Donc, c'est Ouais, c'est compliqué. ça. Du coup, Frustrant, côté New Indy. York. Bah oui, décevant. Et frustrant. Les Pacers qui vont en finale de conf, du coup, face à Boston. À l'heure où on parle aujourd'hui, il y a eu le premier match qui a été joué. On avait pu identifier déjà certains critères, notamment que si le match allait loin en termes de points, Indiana avait des chances et a poussé Boston en prolongation sur ce Game 1. Victoire Un très gros shoot de 133-120. Jaylen Ah oui, parce qu'on va raconter un peu le fil du match. Avant la prolongation, du coup, Indiana a 3 points d'avance et a une remise en jeu. Très bien défendu d'ailleurs par Boston. Mais Rick Carlisle ne prend pas de temps mort. Et en fait, ça se transforme en perte de balle. Il reste genre 8 secondes, je crois, sur le chrono. Et Ouais. Jaylen Brown prend un shoot dans le corner à 3 points, à moitié le dos tourné par rapport au cercle. Et ça finit dedans. Prolongation. Et là c'est compliqué. Petit coup de marteau sur la tête des Pacers qui ne feront pas grand-chose sur la prolongation. Hein. Il me semble qu'il y a 16 à. Alors attends, je vais avoir les Il y a chronos. 133 à 128 au score final, alors qu'il y avait 16 et 16. 123 partout pour la prolongation, je crois. C'est ça. 16-11 pour Boston dans la prolongation. Et surtout, en fait, une prolongation que tu. Ah, c'est Où on a vu. 117, ouais. On a vu que c'était compliqué pour les Pacers. En tout cas, le shoot de Brown a certainement cassé quelque chose. On a vu en conf de presse aussi que Rick Carlisle a dit que c'était une défaite qui lui revenait à lui, parce que du coup, il avait Bah, encore un temps clairement. mort et il aurait dû prendre le temps mort. Si tu laisses si tu laisses la remise en jeu se faire, mais que tu vois que ça se fait pas, tu prends le temps mort avant les 5 secondes. Et ensuite, tu rejoues et ça fait faute et t'as deux lancers. Et le match, la série n'est déjà plus la même. Donc, Ouais. un peu compliqué. Après, malgré tout, ça restait un très, très, très, très, très beau match de basket. Mais je pense que dans la série, C'est ce genre de rencontres qui font que enfin, tu prends confiance aussi. Et là, Indiana aurait pu déjà faire un gros coup et c'est un peu dommage d'avoir perdu ce match à Boston alors que tu avais toutes les clés en main pour le prendre. Ouais, je suis d'accord. D'un côté, c'est compliqué côté Indiana parce que ouais, ils auraient pu le prendre. Mais d'une certaine façon, je pense qu'ils ont un vrai gain de confiance dans le sens où, ok, on aurait pu gagner face au numéro 1 de la conf chez eux. C'est vrai. Donc, en soi, c'est pas alarmant pour eux parce que techniquement, le premier match qui soit gagné par le favori à domicile, c'est logique. Donc c'est pas du tout alarmant côté Indiana, mais en tout cas le gars de confiance est présent et en effet ouais c'est bien dommage de ne pas avoir été le prendre. Et là aussi où c'est dommage, c'est que du coup l'absence de Porzingis qui est censé rater au moins les deux premiers matchs, bah du coup ça aide côté Indiana et ça aurait été bien aussi de pouvoir taper là où ça fait mal au bon moment. C'est sûr. Dans l'idéal, il aurait fallu retourner à Indianapolis avec un match avec un partout, quoi. Ouais c'est ça, ça aurait été vraiment chouette. Mais le deuxième match, il n'est pas encore joué, hein, attention. Non, non, c'est sûr. Après, tu vois, c'est aussi ça sur les résultats que Boston a eu depuis le début des playoffs. C'était soit des matchs gagnés assez larges, soit des défaites larges aussi. Il n'y a eu que deux défaites, un dans chaque tour. En La seule revanche, victoire qui joue à en pas termes grand-chose. de matchs serrés. En termes de match serré, et ben en fait, on n'était pas sûr que enfin, on sait comment ils jouent depuis la saison régulière, mais je veux dire, en playoff, c'est bien d'avoir ce genre de match test pour montrer que tu es présent et que tu es capable de les gagner. Les Celtics ont montré qu'ils étaient capables de les prendre, parce que pour le coup, ils étaient vraiment en difficulté, et ils s'en sont remis à un Jaylen Brown. Héroïque sur ce tir, mais en dehors de ça, on a eu un Jrue Holiday qui a pesé avec 28 points marqués, 7 rebonds, 8 passes. Tatum envoie 36 points avec 12 rebonds. Les Et pourcentages sont Jalen, corrects, la oui, défense aussi, par rapport au est volume, c'est bien. relativement bonne. Effectivement. Et Jaylen Brown finit à 26 quand même. Donc on a vu tout le potentiel offensif des Celtics sur cette rencontre. Et pour l'instant, pour Indiana, va falloir s'adapter s'ils veulent prendre le deuxième match, parce que ça va être potentiellement quelque chose qu'il faut éviter de jouer. En fait, on a vu que la ligne arrière côté Celtics a été beaucoup trop forte et beaucoup trop impactante. Le Donc il va talent falloir trouver des solutions pour est Rick là. Carlisle. Après, oui, le talent est supérieur à celui des Pacers, ça c'est sûr. Ouais, la dernière fois, je t'avais dit que côté Celtics, j'avais pas trop aimé ce qu'ils nous avaient montré, etc. J'ai préféré là, leur attitude, leur jeu contre Indiana sur ce premier match. À voir si ça se poursuit, voilà, à voir s'ils comblent les attentes pour arriver en finale NBA ou non. Parce que on va arriver sur la preview, je vais pas mentir, j'ai le sentiment que Boston est quand même favori dans cette rencontre, enfin dans Dans cette cette série. série, bien sûr. Bien sûr, si Boston ne va pas en finale NBA, c'est une catastrophe. Oui, absolument. Selon les bookmakers, c'est les plus favoris pour atteindre le titre. Le titre, je sais pas, les finales, ce sera déjà un bel objectif, mais Ah oui, tout à fait. parce qu'en face, il y a du monde quand même. Mais par contre, oui, comme enfin, je te rejoins là-dessus. Je pense que si les Celtics vont pas en finale, enfin ne vont pas en finale, c'est tu vois, on parlait des Knicks qui sont sortis en demi, frustrant mais bonne saison, bah là c'est un échec total. Parce qu'en plus c'est une Oui, des années absolument. où t'as toutes les voix qui sont alignées pour que tu y ailles et pour que tu prennes une bague, parce que bah, dans ta conférence t'as pas joué les Bucks, t'as pas joué les Sixers, t'as pas joué New York. T'as pas... Le Heat, tu l'as battu facilement parce qu'ils étaient diminués. Et en fait, là, ils ont toutes les cartes en main et le Ah bah ils ont un destin claquement fait là, hein, tout le monde qu'ils... le dit. Hein. Ah bah, c'est autoroute du plaisir pour aller jusqu'au final. Exactement, oui. Par contre, revenons un peu à notre preview. Je pense que les Pacers peuvent poser de vrais problèmes aux Celtics. Surtout en l'absence de Porzingis. Et en fait, je pense même que les Celtics pourrait ne pas le faire jouer même s'il est disponible afin qu'il soit prêt pour les finales NBA. Si on l'a vu sur ce match, Al Horford il a un peu vendangé, mais il a quand même apporté avec 15 points, il y a quand même 3 sur 12 de tir. On l'a vu en difficulté sur ces playoffs-là. En revanche, je pense que c'est lui un peu le facteur X, parce que s'il met ses shoots, ça permet aux Celtics de pas forcément faire venir Porzingis, sachant que tu vois, dans la raquette en face, Miles Turner joue quand même assez loin du cercle parce que c'est son jeu aussi. Et t'as pas besoin d'un grand pivot dominant dans la raquette. à partir du moment où tu arrives à sécuriser ton rebond. Et ça, ils ont tous les joueurs autour. Derrick White, Jaylen Brown, on l'a vu Jrue Holiday en prendre 7 pardon, cette nuit. Ils ont les joueurs pour verrouiller le rebond, ne pas laisser de seconde chance. Et s'ils arrivent à utiliser Al Horford comme facteur X au scoring pour remplacer Porzingis, ça permettrait qu'il se repose et qu'il soit à 100% pour les finales NBA. Je pense que c'est un axe qui, si tu vois, par exemple, tu te déplaces à Indiana à 2-0, moi je prends pas risque de faire jouer Porzingis dans le Game 3, même s'il est dispo. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Après, est-ce que ce serait pas un coup à se retrouver en finale NBA avec un Horford qui est cramé et dans quel cas t'as plus tellement de rotation sur Porzingis quand tu veux le faire se reposer? Le jeu d'Al Horford n'est pas si Non, c'est épuisant que sûr, mais c'est ça. ce qu'on disait la dernière fois, il a 75 piges, quoi. Ouais, mais on regarde, il a quand même joué 40 minutes sur ce match. Non, oui, c'est sûr. Non, mais comme tu dis, c'est un facteur X. Je dirais même que c'est un facteur X de luxe. Ah Parce que boy. quand ton facteur X est alors fort, t'es pas mécontent, ça c'est clair. Mais ouais, ok, j'entends ce que tu dis. Pourquoi pas, ouais. Ouais, profiter du temps de repos qu'il peut y avoir pour être sûr qu'il soit pas blessé et pour être sûr qu'il soit en forme, quoi. C'est ça. Et côté Indiana, par contre, pour une éventuelle victoire dans cette série, je vois pas vraiment quels axes ils pourraient appuyer, à part continuer de faire leur jeu collectif et de courir en contre-attaque. Ouais. J'ai du mal à voir une autre identité capable d'être appliquée par Rick Carlisle. Ou qu'ils appliquent leur jeu tel qu'il est, et je pense qu'ils pourront peut-être en prendre un. De toute façon, a priori, pour le moment, le plan de Boston, c'est de perdre le deuxième match à domicile. Donc, Comme dans chaque série. exactement. Mais tu prends les deux à l'extérieur. Mais tu Donc prends c'est les deux à l'extérieur. Là, j'espère pour Indiana qu'ils vont réussir à prendre ce deuxième du coup à Boston. Et ça me ferait vachement plaisir qu'Indiana arrive à tenir bien tête à Indiana, du coup, et qu'on retourne à Boston avec deux partout, quoi. On part Ça, sur ce un petit serait très prono. chouette. Ouais, vas-y, on part sur un prono. Bah moi je vais dire 4-2 Celtics. Je pense qu'Indiana peut en prendre 2. Écoute, j'ai exactement le même preview. Moi aussi, je pense qu'Indiana en prend deux. Pour aller à contresens de toi, je vais dire 4-1 Boston, parce que je pense que le 4-1 est plus probable que le 4-3. Certainement, c'est vrai. Voilà. Donc, juste pour pas avoir le même preview, je vais dire 4-1. C'est bien de changer, c'est pour l'histoire. Exactement. On passe dans Mais la conférence. Ouais, vas-y. ouais, je pense qu'on est sur. Enfin, c'est moche de dire ça, mais je pense qu'on est sur une balade de santé côté Boston. J'ai du mal à voir. J'aimerais beaucoup, mais j'ai du mal à voir Indiana vraiment leur tenir tête. Et pour eux, c'est déjà incroyable de finir en finale de conf. Oui, après, pour moi, les Celtics, s'ils prennent le match 2, la série, elle est finie, déjà. Ah, tu penses que c'est. Ouais. Si Indiana veut y croire, en fait, le match 2, c'est déjà un match à ne pas perdre. Ok. Parce que je pense que les Celtics, s'ils prennent Ah, les c'est deux à sûr qu'il y a 2-0, domicile, ouais, c'est foutu. à l'extérieur, ils en perdent jamais deux. Je les vois pas perdre les deux, ça veut dire qu'ils retournent à la maison à 3-1. Ouais. Si les Pacers veulent en prendre un, et au moins en prendre un comment dire, en prendre un pour aller s'imposer dans la série, je pense qu'il faut qu'ils prennent ce match 2. C'est déjà un win or go home, je pense. Voilà. Ah ouais, c'est fort probable. On change de conférence, mon ami? Allez, on change. Les Mavs qui avaient pris le match 5 au Thunder avant notre dernière émission. Et qui du coup se sont qualifiés 4-2 dans un match magnifique également, avec une dernière action qui a beaucoup fait parler suite à la faute de Shai Gilgeous-Alexander sur PJ Washington dans le corner gauche. L'arbitre a décidé qu'il y avait faute. Pour moi, on a eu des calls et des coups de sifflet bien plus. Enfin, Strict. des. Bien plus strictes ou même justement beaucoup plus laxistes qui n'ont pas été Ouais. donnés, mais il y a contact. Donc à partir du moment où l'arbitre a sifflé, même s'ils voient la vidéo ou quoi, ils peuvent pas changer le call parce qu'il y a contact. Lancer franc pour PJ Washington qui donne l'avantage Mavs. aux Mavs et le Thunder ne Et s'en tu relèvera inclines pas. là-dessus. Ouais, exactement. C'est Ouais, bah tout à l'heure on parlait de goût dommage. amer. Je pense que petit goût amer pour les fans de KC. Mais d'une certaine façon. Enfin, goût amer pour la façon dont ça se termine. Ça, c'est tout à fait logique. Grosse frustration, je pense. Mais d'une certaine façon, selon moi, les Mavs méritaient davantage de gagner cette série. Pour moi, ça reste la meilleure équipe des deux qui l'emporte, malgré la manière. Ouais. Oui, je pense que je peux te rejoindre là-dessus. Sachant qu'en plus, au-delà de ça, les Mavs en sont pas à leur première grosse campagne. Non. Et suite à 2022, ils retournent en finale de conf. Ouais. Et en fait, c'est une suite logique aussi. Ils ont l'expérience que le Thunder n'a pas. Mais je me fais pas de soucis pour l'avenir du Thunder. Non, je crois qu'il y a pas trop non plus, ouais. L'année prochaine, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs qui sont encore sous contrat. Ils ont 3 picks de draft. À la draft prochaine. Tu veux savoir quels joueurs sont encore sous contrat? Shai, starting five. Shai, Lugansdort, Chet Holmgren, Josh Giddey, Kenrick Williams, Kayson Wallace qui a fait des playoffs de fou, Ousmane Dieng, Jalen Williams qui est encore en contrat rookie. Isaiah Joe contrat rookie, il me semble que c'est une team option l'année prochaine et ils vont certainement la soulever parce que il est très bon, il est très bon Isaiah. Aaron Wiggins et un autre joueur qui on n'a pas vu jouer cette année. Donc en fait tu te retrouves avec en gros ta rotation de 7-8 joueurs jeunes que tu développes depuis 2 ans qui est encore sous contrat l'année prochaine et même encore l'année d'après. Donc en fait, l'avenir pour le Thunder, l'avenir est doré. Ah bah l'avenir est clairement doré, ouais. Ouais, donc, t'as tous les joueurs qui sont sous contrat, t'as des pics de draft là, puis savoir quoi en faire pendant les prochaines années, t'as le coach de l'année. Bah oui. Parce que c'est quand même important d'avoir un bon coach aussi sous la main. Et tout ça, tu peux t'en servir de monnaie d'échange pour construire davantage si besoin. Effectivement. Et surtout, moi ce que j'apprécie... Dans cette idée-là, c'est que tu dis saison frustrante pour OKC parce qu'il y avait la place d'aller à un Game 7 ou au moins de faire mieux parce que les Mavs n'étaient pas imbattables sur cette série. En revanche, c'est un gain d'expérience de fou d'apprendre comme ça et de perdre un match 6 alors que tu étais devant pendant tout le match et que tu vois, je pense que ça peut que leur servir pour les saisons prochaines. Oui, c'est sûr. Oui, absolument. Et du coup, bah, les Mavs qui n'ont pas démérité, Luka a fait un Game 5 et un Game 6 vraiment, vraiment fou. 14-0 le bilan dans les matchs couperets pour Kyrie Irving dans sa carrière. Donc, pas mal, c'est vrai. Aussi. C'est vrai, on en avait parlé la dernière fois. J'espère que cette stat va changer sur la finale de conf. De l'autre côté, on avait donc un Game 7 en préparation. Entre quel match les Wolves et les Nuggets. Donc on rappelle qu'au Game 6, les Wolves ont mis une bonne fessée aux Nuggets et se sont présentés du coup à Denver avec un momentum et une confiance absolue. Et on a assisté peut-être à l'un des plus beaux matchs de playoff de cette année, je pense, au vu du scénario aussi. Ouais, c'est ça, le scénario d'un Game 7 digne d'un film hollywoodien, c'est clair. De ouf. Est-ce que tu peux faire un petit descriptif rapide de ce qui s'est passé? Pour faire le descriptif, on entame le match et pour faire globalement rapide, mais en fait, Denver prend une petite avance confortable assez rapide. Il se retrouve avec 10 points d'avance dès la fin du premier quart-temps et quasiment 20 points d'avance à la mi-temps. Il y a 15 points sur le papier, mais dès le retour de vestiaire, Denver qui renchaîne, et je crois qu'il y a 20 points d'avance début du troisième quart-temps pour Denver. Donc très solide côté Denver, avec évidemment un très bon Nikola Jokic. Hein. Oui. Pour parler de ses stats de fin de rencontre, il termine à 34 points, 19 rebonds, 7 passes. Donc c'est indécent, une mauvaise réussite à 3 points. Mais par contre, à part ça, l'homme brille dans tous les domaines. On a un Jamal Murray qui est également très très bon. Il finit à 35 points, 3 rebonds, 3 passes. Des pourcentages à 3 points également compliqués. Mais voilà. Sur ce volume-là, ça va aussi. L'agressivité était très bonne et la créativité parfaite aussi. Mm-hmm. Donc tout se déroule très bien côté Denver. T'as 20 points d'avance à la mi-temps. Tes hommes sont en forme, tout se passe très bien. Et là, tout le monde se dit les Nuggets sont en finale de conf. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais. Malheureusement, c'est un peu l'erreur. Parce que du coup, le troisième quart-temps est remporté 28-14 par Minnesota. Donc 14 points ils reviennent d'écart, à un point. Minnesota revient quasiment au score. Fin... Ils finissent à un point d'écart le troisième quart. Voilà. Donc. Et du coup, le quatrième quart-temps, donc là où tout se joue, ça a été clairement trop bien géré par Minnesota. 32 à 23 dans ce quart-temps. Et trop compliqué côté Denver, sans doute la fatigue qui a beaucoup joué, mais du coup Minnesota qui a réussi à gérer ce match d'une main de maître, clairement. Ouais, et là où c'est d'autant plus impressionnant, c'est qu'Anthony Edwards met que 16 points, mais en fait il les met au moment où il faut. Qui fait une belle rencontre, mais qui est pas vraiment à l'aise dans ses baskets. Mais par contre son quatrième quart est incroyable. Ouais, le quatrième quart de Minnesota de manière générale. Hein. Ah bah oui, parce que défensivement, on en a déjà parlé de la défense de Minnesota, hein, mais effectivement, ça switchait surtout. Il n'y avait aucune rotation en aide qui était manquée. Jaden McDaniels fait un match de fou, il finit à 23 points avec 70% au tir. Et en fait, on a eu un Rudy qui met des fadeaway sur la tête de Jokic. D'ailleurs, alors, j'ai vu une stat comme quoi en playoff, Rudy Gobert est à 100% de réussite au fadeaway. Bah forcément, si t'en prends qu'un, c'est pas mal. Belle J'adore stat. Cette stat. D'ailleurs, j'ai bien aimé Anthony Edwards et Karl Anthony Towns en interview d'après-match, qui ont dit qu'à partir du moment où ils ont vu le panier de Rudy rentrer, et pour eux, c'était déjà plié. Quand ils ont vu ça, ils disent plus rien ne peut nous arrêter. Ouais, le gain de confiance est énorme. Ouais. Ah bah oui. C'est clair. Karl Anthony Towns, d'ailleurs, qui fait un très bon match également. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Ouais, il a été impressionnant. À part à 3 points où il a été un peu maladroit, 1 sur 6. Mais de manière générale, sur le match, dans tout le reste, il est... ouais, bah, ça reste un Game 7. Hein. Tout le monde n'est pas Indiana, pour le coup. mais oui, les Wolves, ils ont tellement bien géré. Ils ont profité de toutes les balles et toutes les pertes de balles des Nuggets qui n'ont pas été si sereins que ça, en fait, face à leur défense dans le quatrième quart, qui ont amené beaucoup de points faciles. On a vu Edwards en mettre quelques-unes et relancer un peu... la machine pour passer devant et garder un avantage. Moi, j'ai bien apprécié aussi la création de Mike Conley, qui, on sait que c'est pas une foudre de guerre, qu'il n'est pas à 100%, etc. Il met quand même ses 10 points, il y a 8 rebonds, 4 passes, mais en vrai, tous les décalages, il voit tout le jeu, en fait. C'est un joueur sous-côté de ouf. Bah, il est sous-côté parce que la production statistique n'est pas présente comme peut l'être pour d'autres joueurs. Mais par contre, il sait gérer le tempo comme il le faut, il sait trouver les mecs là où il le faut au bon moment. Il n'y a pas forcément toutes les passes d'ess, il finit avec seulement 4 assists. Mais dommage que les passes avant passe d'ess ne soient pas comptées, parce que Mike Conley pourrait se retrouver davantage dans la production. Ah bah oui, c'est clair. Il y a une stat qui est intéressante aussi à relever, c'est l'impact qu'a mis Minnesota dans la raquette. On a une stat révélatrice pour ça. 30 lancers francs tirés contre 16 seulement pour les Nuggets. On sait que les Game 7 sont des matchs où il faut aller provoquer parce que c'est des matchs durs qui se jouent à la dure. Et bah les Wolves ont vraiment pris ça comme une consigne et qu'ils ont appliqué tout le match en allant provoquer des fautes, en allant chercher des lancers, n'ayant pas peur du contact. Là où on a pu voir des Nuggets par moment... ne pas oser aller se frotter à cette raquette de Minnesota qui fait peur à tout le monde. Bah ouais, et puis là où c'est compliqué, c'est que Minnesota, vu qu'ils sont très grands, ça dissuade quand même beaucoup d'aller sous le panier, sachant que côté Denver, ils ont quand même des bons shooters. Ouais. Donc c'est vrai qu'à choisir, je préfère prendre le shoot de loin, mais ils auraient dû être davantage agressifs. Ouais, tout à fait. Même s'ils ont quand même réussi à sortir Rudy Gobert sur faute, il sort avec 6 fautes, mais il sort qu'à la toute fin du match. Donc en soi, ça change pas ta rencontre, quoi. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ouais, même Rudy a fait un excellent match, surtout une super deuxième mi-temps. Même s'il n'a pas empêché Jokic de scorer, il a été vraiment impressionnant. Le champion en titre ne défendra pas sa couronne. Minnesota est en finale de conf face aux Mavs. Le premier match se déroule cette nuit. Quel scénario tu vois un peu dans cette série, mon Rémi? Ah, c'est un scénario compliqué. J'ai écouté l'interview de Nicolas Batum qui disait comme quoi l'équipe de Minnesota avait été construite pour pouvoir battre Denver en playoff, justement, par Sam Raimi. Enfin, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. l'architecte du coup de l'équipe de Denver est le même que enfin, est la même personne que du coup que l'équipe de Minnesota. Il a juste bougé entre temps. Et du coup, il aurait construit cette équipe pour pouvoir battre Denver. Chose faite, a priori, c'est réussi. Et Nico Batum dit comme quoi l'équipe des Mavs, entre guillemets, aurait toutes les armes pour pouvoir battre ces Wolves. Ouais. Ces arguments, ce serait comme quoi Minnesota n'est encore jamais tombé face à un backcourt aussi fort qu'est Dallas et n'aurait pas les armes nécessaires pour défendre sur eux. J'entends les arguments, perso j'ai un peu du mal à y croire parce que en fait défensivement Minnesota, moi je suis vraiment impressionné par le niveau défensif de Minnesota. Mais en effet je pense que Dallas peut surprendre, donc je pense que ce premier match peut être pris par Dallas. Donc à Minnesota, hein, parce que du coup ouais. C'est Minnesota qui a l'avantage du terrain. Donc le premier match peut être pris par Dallas parce qu'on peut avoir un très gros Luka Doncic là qui sort d'un gros Game 6 où du coup il avait l'air de se sentir bien mieux, même si on savait qu'il avait des petits pépins physiques. Il avait dit comme quoi il était fatigué, il avait l'air d'aller mieux. Donc je pense que Luka Doncic peut faire un très gros match. Mais sur l'ensemble de la série, je pense que ça va être compliqué côté Dallas et que les Wolves vont pouvoir sortir leur épingle du jeu. Je pense que les Wolves ont plus de moyens de s'adapter à Dallas et pas le contraire. Ouais. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, du coup, tu peux, ça se trouve, mal commencer la série, mais très très bien la finir, parce que t'as tellement de variétés défensives pour t'adapter, etc., que en fait, ça se trouve, bah, à des moments, tu vas peut-être te priver de Rudy, parce qu'il peut pas forcément switcher sur tout, mais en fait, t'as un Azrid qui est un peu plus présent. Y a des choses qui peuvent être mises en place pour s'adapter au backcourt adverse. Si tu veux mettre un 5 hyper grand, hyper long pour défendre de Kyrie et donc si, tu peux parce qu'en fait tu vas mettre Edwards sur Kyrie et en fait au poste 2 tu mets déjà du McDaniels sur Doncic ou du enfin tu vois en fait il y a toujours des choses à faire. Nickel Alexander Walker qui a galéré un peu en fin de série parce qu'il est un peu blessé face aux Nuggets. S'il revient et qu'il est capable de prendre en mission défensive Luka Doncic, c'est possible. Il est plus fin, mais il est beaucoup plus long aussi. Pour le gêner, ça peut être une bonne idée aussi. Ils vont se relayer de toute façon sur Luka, et je pense que même Anthony Edwards va vouloir jouer son rôle en défense. Il a dit qu'il voulait prendre Kyrie. Il a dit qu'il voulait prendre Kyrie ? Il l'a dit. Ok. Ah ok, j'avais pas vu cette décla. Ok. Ok, pourquoi donc, pas. Mais c'est le meilleur match-up que de prendre Doncic. Hein. Ouais, je sais pas. Ok. Donc voilà, je pense que sur la globalité de la série, Minnesota a plus de solutions pour s'adapter. Là où je pense que Dallas va galérer déjà sur le secteur intérieur. Alors certes, Derek Lively a fait une super fin de série face au Thunder. Je pense que là, c'est autre chose. Bah ouais, malheureusement, il est rookie, même pour les autres. PJ Washington a fait même de très très bons playoffs, parce que même contre les Clippers, il était vraiment très bon. Mais là, face à la raquette des Wolves, ça va être très très compliqué. Hein. Il y a vraiment de la viande, les mecs sont très grands, ils sont longs, ils sont expérimentés. Il y a du spacing. Alors, autant Karl Anthony Towns n'est pas le meilleur défenseur qu'on peut trouver, mais c'est bien le seul, en fait, dans cette équipe des Wolves. Ouais. C'est compliqué hein, de taper à l'intérieur. Ouais, ouais, et puis même sur le banc, hein, pas que sur les titulaires. Hein, sur le banc, ils ont trois joueurs qui jouent, qui défendent. Donc en fait, ton seul joueur qui n'est pas défenseur de métier, entre guillemets, même s'il a fait des efforts ces dernières années, c'est Karl Anthony Towns. Donc il va être ciblé, c'est sûr. Ah oui, il va être ciblé, mais quand t'as Rudy juste à côté qui met ses bras pour te gêner. Parce que Kat n'est pas un très bon défenseur dans la tactique, mais par contre, quand il s'agit d'aller le poster poste bas, bah, y a quand même de la viande, donc c'est quand même chiant. Ah oui, ça reste un appui solide, bien sûr. Ça reste un mec de 2m10, 120 kilos, je sais pas combien il fait, mais c'est à peu près ça, je pense. Même un peu plus que 2m10, de faire 2m15, je pense. du coup, ouais, c'est quand même chiant pour des mecs comme ça. Et des mecs comme Luka et Kairi peuvent pallier à faire mal à ce genre de gars sans trop de problèmes. Mais avec les premiers rideaux, ouais, ça va être très compliqué. Comme tu dis, je pense que Minnesota a de quoi s'adapter. Et Dallas, ouais. Je vois qu'un moyen pour les Mavs d'aller embêter les Wolves, ce serait d'être méga agressif au cercle. et de de faire sortir des provoquer les joueurs fautes sous à tout le monde. faute et de marquer 60 points sur lancer franc, genre. Parce qu'au lancer franc, ils sont hyper adroits. Ouais, Et ça en c'est fait, clair. si Kyrie et Luka, ils ont 10 lancers par chacun par match, ça peut vite être compliqué. Ouais, ça c'est clair. Parce qu'en Ça c'est plus de clair. ça, bah, Surtout ton si T'es tu te Grand qui retrouves est au avec un foot, Rudy Gobert qui a 3 fautes au milieu du deuxième quart, Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. bah, c'est plus le même Bah, là, c'est match. chiant. Là, c'est chiant parce que du coup, tu dois gérer le temps de jeu. Quand il est pas là, bah, tu vois que tu prends des 10-0. Donc, tu le fais rentrer, il reprend une faute. Là, c'est chiant à gérer, ouais, complètement. Bah ouais, c'est chiant parce que même si Nasrid est un bon défenseur, il protège moins bien le cercle que Gobert malgré tout. C'est compliqué de moins protéger le cercle. Tu le dis pas. Ouais. Mais Nasrid et Jalen McDaniels vont avoir un rôle plus qu'important défensivement, ça c'est clair. Et offensivement, parce que pour le coup, de l'autre côté, va falloir aussi Derrière, il va être falloir adroit à rentrer tes Delort. shoots, ouais, complètement. Parce que s'ils veulent que Edwards ait la place d'aller driver, etc., il va falloir qu'autour, y ait du spacing pour laisser la place à Edwards. Et ça passe par le fait de mettre ses tirs. Donc. C'est qui côté Dallas qui est en mission pour s'occuper du cas Anthony Edwards? T'envoies Derrick Jones Jr.? Pense, ouais. Je pense. Moins rapide, mais plus long. Tiens, je vais aller voir si j'ai pas Ouais, une c'est une autre vraie idée. question, hein. Moi, je pense que Derrick Jones Jr. va avoir son rôle à jouer, mais à part ça, enfin, je sais pas qui c'est qui s'occupe vraiment du bonhomme. PJ Washington, non, PJ Washington, il est trop lent. PJ Washington est bien trop lent, ouais. Bah ouais. Bah en Ouais. fait, En tout cas, c'est une vraie problématique côté Dallas. à la limite, même pas en fait. Daniel Gafford? Non. Jaden Hardy, j'allais dire. Ouais, tu vois, là, Mais bon. tu peux pas te permettre d'envoyer un mec qui a fait, je sais pas, il a dû jouer 7 minutes, 8 minutes de moyenne face à OKC. Tu peux pas te permettre Ouais, mais du de. coup, en rotation derrière Derrick Jones Jr., t'as qui sinon? T'as du Tim Hardaway? Bah, il va en faire qu'une bouchée, hein, Ah Edwards. bah non, mais ouais. Mais tu vois, il y a une vraie problématique côté Dallas de comment est-ce qu'on s'occupe du cas Anthony Edwards, parce que c'est la menace offensive numéro une côté Wolves. Et côté Dallas, en fait, ils ne savent pas comment le gérer. Donc peut-être que leur solution, c'est OK, on le laisse marquer, et derrière nous, il faut qu'on marque davantage. Mais moi, ce plan-là, j'y crois pas. Ah bah si ton plan sur la série c'est ça, bah tu vas la perdre. Ouais, c'est ça. Justement, faut forcer Edwards à ne À pas être dans mettre la ses tirs et difficulté. que les autres aient des responsabilités. Ouais. Ouais, ça c'est le cas qui me Tant de semble un peu questions. compliqué côté Dallas. En fait, je sais pas quel homme va défendre sur quel homme parce qu'il y a trop de problématiques. Parce qu'en plus de ça, si du coup c'est Derrick Jones Jr. qui défend sur Anthony Edwards, Ouais. j'imagine qu'on va mettre du coup PJ Washington sur PJ Washington ou alors à la rigueur Lively en fonction des minutes de chacun sur Rudy. Ouais, qui est capable hein, en soi de gêner Ouais, Rudy. c'est possible. Défendre sur Rudy, c'est pas un problème. Mais du coup, on a un Jalen McDaniels qui va jouer poste 4, tu vois, qui est un peu entre deux, et du coup, il n'y a personne qui défend dessus. Bah personne d'assez compétent, ça c'est sûr. Mais on le Tu savait vois? que Dallas a pas une Ouais, défense capable de rivaliser avec ce genre d'équipe. Et complètement. le problème aurait été le même si c'était Denver qui était passé, de toute façon. Le problème aurait été le même dans le sens où, dans tous les cas, on ne peut pas défendre sur Jokic. Mais ils ont pas. Enfin, si Denver, Bah ils ont si, Michael Porter Jr. qui avec fait très Michael mal. Porter Jr., Aaron Gordon, faut s'en occuper aussi. Jamal Murray, c'est pas une mince affaire non Ouais, plus. c'est sûr. Mais là, le cas Anthony Edwards, c'est vraiment la menace offensive numéro une et c'est vraiment le poste où t'es faible en défense dessus, tu vois. Ah bah oui, donc ça C'est chamboule tout. là que c'est compliqué. C'est sûr. On est d'accord. Bah en vrai, réponse cette nuit, hein, pour le match 1, Ouais, pardon. compliqué. Pas surpris de voir Anthony Edwards passer la barre des 30, voire peut-être même des 40 points à quelques reprises dans cette série. Ah bah oui, ça m'étonnera pas, mais de l'autre côté, en fait, les Mavs, ils ont l'occasion, ils ont les armes aussi pour, ça se trouve, Kyrie va tourner à 25 et Luka il va tourner à 35-10-10. Bah, de toute façon, il Et n'y a pas le choix. Hein. Je pense ah que bah... si Kyrie et Luka ne sont pas autour des 30 points, Dallas ne voit pas le jour dans la série. Bah si, parce que le franchise player, c'est PJ Washington. Ah, autant pour moi. On l'a vu sur la série d'avant, non? Oui, C'est. c'est vrai. Autant pour Allez, moi. petit pronostic. Pronostic, moi je pense que ça va être quand même une belle série. Et tu sais ce que j'aime moi dans les playoffs, Les Gus. Game 7. Exactement. Moi je veux un Game 7 et je vois les Wolves gagner en 7. Ok. J'hésite avec un 4-2 quand même, parce que j'ai, voilà, avec ce qu'on a dit là, je me pose quand même beaucoup de questions côté Dallas. Et j'ai le sentiment que Jason Kidd n'est pas un coach suffisamment bon pour trouver les solutions, les coups de poker que pourrait trouver des Spoelstra ou autres avec ce qu'il a sous Ouais, la main. je vois, je vois. Donc trop compliqué côté de Dallas de trouver des solutions. Donc je pense que les Wolves passent, mais attention à l'attaque de Dallas qui est quand même très forte. Les Wolves vont quand même être surpris. Moi je vois un 4-3. Eh bien, je vois les Wolves passer aussi, mais seulement en 6. Seulement Entre en 6, guillemets. t'es sur un 4-2. Ouais, je suis sur un 4-2. Comme je l'ai dit, en fait, à partir du moment où tu as toutes les armes pour t'adapter, et tu as les joueurs pour le faire aussi, hein. C'est pas que une question de volonté ou de grandeur, etc. Non, ils ont des joueurs de devoir défensif. Et en plus de ça, ils sont très productifs de l'autre côté du terrain. Donc je pense que les Wolves vont pas être si inquiétés que ça. Je les vois bien s'imposer 4-2. Pas en gestion, parce qu'il y a quand même les Mavs en face. Mais je les vois très rapidement prendre un écart de peut-être 3-1. Tu vois, ça se trouve, tu reviens chez toi et t'es à 3-1, quoi. Ouais, c'est fort probable, ouais. Ouais, absolument. Voilà. Pour cette émission, quelque chose à rajouter, mon Rémi? Non, rien de particulier. Hâte de voir nos finales NBA, mais pas hâte que ça se termine trop vite parce qu'on aime profiter de ces playoffs et après, quand il n'y Ouais, en a plus, puis. bah, c'est la vie est plus morose, donc profitons de l'instant. C'est clair, sachant qu'en plus cette année, les playoffs sont vraiment d'une belle qualité, donc c'est cool à suivre. Peu importe qui c'est qui gagne, on est sur une équipe, alors pas la franchise, mais on est sur des joueurs qui n'ont jamais gagné un titre. En tout cas, quand on parle des grandes stars, ouais. Il y a uniquement Pascal Siakam qui a gagné et Derrick White également, sans doute, qui a déjà gagné un titre auparavant. Mais à part ça, que ce soit Rudy Gobert, Anthony Edwards, ah si, il y a Kyrie Irving aussi, évidemment. Bah oui. Mais Luka Doncic, Tatum, etc., Tyrese Haliburton, personne n'a gagné, donc ce Donc ouais, c'est sera une cool. première bague pour l'équipe qui Pour l'un gagnera ce d'entre tournoi eux. ensuite. Ouais, ça c'est vraiment top, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao! Ciao tout le monde!